sur le plan. La porte violemment projetée alla buter contre la muraille blanche d'où elle rebondit et resta vibrante avec le bruit de ferraille du gros verrou qui dansait entre ses crampons. L'homme en tailleul rouge qui avait tiré le loquet saisit une main qui se tendait et grimpa prestement sur la terrasse du toril, tandis que Sangar faisait irruption dans l'arène au son du clairon, le mufle haut, l'allure assurée, tout ébloui de soleil, les rubans blancs et rouges de la marque claquant au vent, le petit nœud de la cocarde qu'il s'agissait d'enlever fixé au milieu du front entre les deux immenses cornes. Au milieu du cirque, il s'arrêta brusquement, d'un bloc. Ses jarrets plièrent, ses pieds fourchus et durs pénétrèrent le sol et soulevèrent quatre petites vagues de sable. Il souffla. La porte claqua à nouveau en se refermant. Tout autour de la place, dessinant une vaste arène, des charrettes étaient rangées les unes derrière les autres, les brancards de chacune posés horizontalement sur la charrette précédente, de façon à former une ligne continue. À certains endroits, il y avait de grands tonneaux debout, supportant des planchers où étaient disposées des chaises et des caisses vides. Cela faisait comme des estrades qui étaient couvertes de monde. Vieille femme en vêtements noirs, jeune fille en costume d'Arles aux vives couleurs, aux chapelles de fines dentelles blanches, aux robes roses, mauves, bleu ciel, vertes, gorges de pigeon, toutes riaient, s'exclamaient, plaisantaient. D'autres en costume de demoiselles, en franciotes, avec des chapeaux de paille où s'agitaient des fleurs, échangeaient des lazzi avec les drôles, debout au pied des estrades. Note 1. Chapelle, l'ouverture du corsage des Arlésiennes en fine dentelle où brillent leurs bijoux au milieu d'un fichu artistement plissé. Elle dégage la naissance des seins. Fin de la note 1. Note 2. Francio, franciote, terme un peu dédaigneux par lequel les Provençaux désignent les gens qui s'habillent à la mode française, abandonnant le costume national. Fin de la note 2. Note 3. Drôle, jeunes gens en provençal rhodanien. Fin des trois notes. Les hommes étaient nombreux aussi. Rudes gars, aux lourds pantalons de peau de taupe, des gardiens camargués, aux chemises de couleur violente, aux vastes chapeaux marrons ou gris. Jeunes gens des villages languedociens, en vestes noires, en pantalons à carreaux ou de toile blanche, avec le curieux chapeau noir à bord plat, des véritables aficionados à la fine cravate noire ou rouge coupant la chemise blanche. Raseteurs en espadrille et pantalons de toile bise avec la large tailleule bleue, rouge ou noire et qui assujettissaient leur crochet à raseter dans la paume de la main droite. Note. Aficionados, amateurs de courses de taureaux. Fin de note. Tout ce monde gai, bruyant, joyeux, grouillé sur les tribunes improvisées, sous le bon soleil d'août, filtrant à travers les feuilles des platanes, plantées en rond tout autour de la place. Tout cela parlait, criait, chantait, plaisantait, vivait. Lorsque le taureau pénétra dans l'arène, il se fit un grand silence et tous les regards convergèrent vers lui. Lorsqu'il s'arrêta avec précision au milieu de la piste, un murmure de satisfaction courut sur les charrettes. Sangar leva les yeux et regarda la foule. Il regarda autour de lui, à droite, à gauche, avec des mouvements de tête saccadés et brusques, le mufle haut. Il vit le public sur les charrettes et sur les tonneaux, les hommes en manches de chemise et en tailleule, les raseteurs en pantalon blanc et chaussés d'espadrilles, les femmes en toilette claire et les ombrelles de couleur vive. Tout ce monde était maintenant silencieux. L'arène était vide. Là-bas, dans l'ombre d'un platane, l'un des plus braves parmi les raseteurs, Bambocho, s'apprêtait à sauter en piste au moment opportun, et l'une des jambes passait par-dessus le rancher d'une charrette, la main gauche appuyée sur le bois, la droite serrant le crochet à raseter, il causait négligemment avec une belle fille du Kélard, mais surveillait le fauve du coin de l'œil. Note Bambocho, grande marionnette, quelqu'un qui fait la noce, surnom d'un raseteur fameux. Fin de note. Sangar souffla brusquement, comme s'il éternuait. Il baissa le front, gratta la terre en allongeant le pied en avant, puis fit voler le sable en le frappant de ses sabots postérieurs. Il perçut un bruit derrière lui. C'était le heurt du clairon contre un banc dans la tribune officielle. Il se retourna brusquement d'une pièce en mugissant. Les grands rubans blancs et rouges de la cocarde l'auréolèrent dans une envolée soudaine. Il meugla, frappa le sol du pied et leva la tête pour voir. La tribune officielle, au-dessus du tauril, avait sa tenture tricolore et des écussons tricolores aussi où étaient plantés trois petits drapeaux. À droite, le clairon se tenait debout, son instrument à la main. Assis au centre, le maire, sa famille et quelques conseillers l'entouraient. À gauche, il y avait le brigadier de gendarmerie en grande tenue et appuyé sur son sabre. Il était assis près de sa femme, sur le chapeau de laquelle un gros pavot rouge remuait. Sangar voulut aller voir ce que c'était que ces couleurs violentes et ce que faisaient là tous ces gens. Le brigadier de gendarmerie, surtout, avec son fourreau de sabre qui brillait au soleil, l'intriguait et le pavot rouge qui bougeait aussi. Il fit quelques pas, vint se placer sous la tribune, leva le mufle, mugit et mit un peu de bave sur le rouge de la tenture qu'il flairait. Le clairon sonna. « Il y a 20 francs pour celui qui enlèvera la cocarde. » Personne ne bougea. On connaissait la fougue et la valeur du sangar, et l'on se montrait prudent. Une voix cria d'une charrette chargée de monde. « Je mets 20 francs aussi !» Le clairon répéta. « Il y a 40 francs sur la cocarde !» Sangar eut la sensation qu'il se passait quelque chose derrière lui, et volta d'un bond. Le Bambocho avait sauté dans l'arène, mais il se tenait prudemment à l'écart, ainsi que 2 ou 3 raseteurs moins notoires. Sangar, d'un petit temps de trot, alla vers eux. Ils regrimpèrent, qui sur les charrettes, qui sur les tonneaux. Dans le public, il y eut une rumeur et des rires. Sangar regarda une femme qui riait plus fort que les autres et qui l'agaçait. Elle avait une robe vert olive, une belle chapelle de dentelle, le ruban des Santincos à la coiffe et une ombrelle bleue. Elle était assise sur un gros demi-mouide. Sangar alla vers elle au pas. Quand il fut à portée, il lança un bon coup de corne sur le tonneau qui résonna, pendant que la jeune fille soulevait ses 2 petits pieds au-dessus des cornes en riant, et qu'un grand gaillard, en tailleule rouge derrière elle, la retenait. Un rire courut sur la foule. Le grand gaillard cria « 10 francs de plus !» Le clairon reprit « Il y a 50 francs sur la cocarde !» La rumeur se fit plus intense et plus joyeuse. Des enfants battirent des mains. Des hommes sautèrent dans la piste. Note. Santinco, jeune fille des Saintes Maries de la Mer. Elle porte à la coiffe des rubans de couleur, tandis que les Arlésiennes ont uniformément des rubans noirs. Fin de note. Sangar les vit. Il bondit, laissant là la femme à la robe verte qui riait à belles dents. Avant qu'il eût fait 3 pas, la piste était vide à nouveau. On savait le Sangar un rude jouteur et nul ne se souciait de l'affronter. Cependant, peu à peu, les raseteurs s'enhardirent. L'un d'eux courut vers Sangar et frappa des mains en passant à sa droite. Le taureau tourna la tête vers lui, mais ne sembla pas y attacher d'importance. Alors, ils se rapprochèrent. Dans des feintes et des crochets rapides, ils couraient au taureau, toujours campé au milieu de la piste. Mais ils ne l'approchaient pas de bien près. Dès que Sangar faisait un mouvement, comme une volée de moineaux auxquels on lance une pierre, ils s'égaillaient et regrimpaient sur leurs abris, tandis que les femmes sur les estrades et les enfants entre les roues des charrettes poussaient des cris perçants ou se moquaient d'eux. La jeune fille en vert, qui riait de plus belle, agita son ombrelle et cria « Bravo, Sangar, mon beau taureau! 10 francs de plus sur ta cocarde !» Le clairon sonna. « Il y a 60 francs sur la cocarde !» Alors les raseteurs ressautèrent en piste. L'un d'eux courut à Sangar, qui n'avait pas l'air de le voir venir, et regardait attentivement l'éclat du soleil sur le soulier verni d'une femme. Quand l'homme fut à sa portée, il s'élança pour passer obliquement devant le front redoutable et tendit le bras armé du crochet. Le taureau eut un mouvement brusque et inattendu des cornes lancées horizontalement comme dans un grand coup de faux, et l'homme dut exécuter un saut de côté pour les éviter. Elles ne lui déchirèrent que la chemise. Il s'éloigna à cloche-pied pour changer plus facilement la direction de sa course. On l'aida à regrimper sur un tonneau, et tout le monde éclata de rire parce que Bamboccio, qui avait voulu profiter de l'inattention de Sangar pour lui enlever sa cocarde, ramassée d'un rapide coup de tête, s'en allait rouler en boule sous une charrette. Sangar le regarda disparaître entre les roues, souffla bruyamment, piaffa, et, ne le voyant plus bouger, revint se placer au centre, défiant les attaques. D'une charrette, un cri partit. 10 francs de plus !» La jeune femme en vert cria encore. « Moi aussi, 10 francs de plus sur la cocarde de Sangar !» Le clairon lança. « Il y a 80 francs sur la cocarde !» Les raseteurs, tentés par l'appât du gain, revinrent à la charge. Deux d'entre eux se concertèrent, tentèrent de raseter le taureau, l'un profitant pour enlever la cocarde de ce que Sangar regardait l'autre qui le défiait. Il y eut une course rapide. Le crochet toucha le chanfrein du fauve et l'homme, enlevé comme une balle avant d'avoir pu achever son geste, s'en vint tomber dans une charrette au milieu des femmes qui se mirent à crier. La jeune fille en vert criait et s'agitait sur son tonneau en brandissant son ombrelle. 20 francs de plus, 100 francs sur la cocarde de mon brave Sangar, le beau taureau, 100 francs. Allez, jeunes gens, si vous n'êtes pas des femmes. » Mais nul ne se souciait, malgré l'élévation de la prime, d'aller affronter les longues cornes acérées qui venaient de mettre à mal le Bamboccio. « Hé, le baraillé !» lança quelqu'un. « Descends donc, la lui enlever, sa cocarde au Sangar, si tu es un homme !» Note, baraillé, celui qui boit au baril, surnom atavique d'une famille du Kélar qui a toujours fourni des raseteurs de premier ordre et d'excellents gardiens. Le représentant actuel de cette famille habite le Kélar. Fin de note. « Le baraillé reste avec les châteaux! Le baraillé a peur du Sangar! Hé, le baraillé !» cria la foule faisant chorus. « Tu entends ?» dit la jeune fille en vert en se tournant brusquement vers le jeune homme qui la retenait lorsqu'elle se penchait trop. Note, château, jeune fille en provençal rhodanien. Fin de note. Et elle ajouta, « C'est ton argent qu'il faut défendre et le mien qu'il faut aller chercher sur la tête du Sangar. » « J'aimerais mieux, dit baraillé, que ce soit ton cœur à aller prendre là. Je l'aurai tout de suite, vois-tu. Mais de l'argent, que m'importe. Et si demain, je ne puis venir te saluer au mas de Vistroni. Ce sera un autre qui te mènera à la course, Maguelone, en croupe sur son Camargue blanc à la longue queue. Maguelone, cria une château d'une charrette voisine. Il n'est plus si brave, ton amoureux. Vrai, tu le changes en fille, ma belle. Ah, de ce joli galant que tu as. Note. De ce, expression provençale péjorative, correspond à listé latin. Fin de note. Et tout le peuple riant et moqueur reprit. Ah, de ce joli galant que tu as, Maguelone. Tandis que Sangar, au milieu de l'arène, irrité de ce qu'on ne semblait plus faire attention à lui, soufflait et grattait le sol du pied. « Je vais sonner la rentrée au Toril !» cria le clairon auquel le maire venait de parler. « Il y a 100 francs sur la cocarde. Encore 5 minutes et Sangar rentrera avec son argent. Je ne vais pas risquer ma peau pour 100 francs quand je suis près d'une belle fille !» dit le baraillier très haut pour que tous l'entendent. « Eh bien, voilà ma bague aussi !» cria Maguelone piqué au jeu et brandissant le bijou au bout de ses longs doigts fuselés. Le public qui aime les belles filles, franches et fières, applaudit à tout rompre et l'acclama. « Bravo, Maguelone ! Bien, Maguelone !» « La bague de la belle Maguelone sur la tête de Sangar !» cria le clairon. « Et le mas de Vistroni avec !» lança quelqu'un au milieu des rires et des acclamations. « Et le mas de Vistroni avec !» répéta le peuple à mi-voix, car le père de Maguelone était riche et d'aucuns le craignaient. Le baraillier très rouge sauta dans la piste. C'était le meilleur raseteur du pays et un beau gars, mais beaucoup ne l'aimaient pas, le trouvant fier. Note, fier, orgueilleux, fin de note. Il courut vers l'un de ses camarades, debout, près d'un tonneau, lui emprunta son crochet à raseter et alla au taureau. Celui-ci le vit venir et reconnut le terrible adversaire contre lequel il avait eu bien souvent maille à partir. Note, en Provence et dans la course provençale, les taureaux fournissant fréquemment des courses finissent par connaître toutes les ruses des raseteurs. Au bout de peu de temps même, ils reconnaissent ceux d'entre les raseteurs qu'ils retrouvent aux diverses courses. Les taureaux connaissent alors la façon d'agir de chacun de ces hommes et le rasé devient vraiment dangereux pour ceux-ci. Si l'on se rappelle bien que le taureau a toujours les cornes nues et que le raseteur n'a que son agilité pour se protéger, on comprendra combien est ridicule et de mauvaise foi la campagne demandant la suppression des courses de taureaux en Provence. Fin de note. Il s'immobilisa et devint attentif. Le baraillier se mit à faire des passes autour du taureau, très calme, qui le suivait de son regard courroucé et tournait doucement pour le garder devant lui. Enfin l'homme se décida et prit son élan. « Oh, Jean !» dit une petite fille à son frère, « c'est le baraillier qui va gagner les 100 francs et l'anneau de la belle Maguelone aussi. Pour sûr, cela me ferait plaisir les 100 francs pour m'acheter une belle chapelle de dentelle. Mais dis, Jean, est-ce que l'anneau ne te ferait pas bien plus plaisir à toi ? Dis, Jeannot, mon grand frère !» Le jeune homme rougit légèrement sous le hâle de la peau et assura son crochet dans sa main. Le baraillier passa devant le front du Sangar immobile. Celui-ci fit un saut si violent et si brusque que le raseteur manqua son coup et s'éloigna en courant, poursuivi par le fauve, tandis que la foule riait et applaudissait. Mais il y eut tout à coup un grand cri. « Ah !» Et le Sangar donna un violent coup de tête dans le vide et Jeannot bondit sur le tonneau de la belle Maguelone, la cocarde prise dans son crochet. La belle fille le reçut dans ses bras, grands ouverts, et là, devant tout ce peuple trépignant de joie, acclamant les jeunes gens et le grand taureau sous le beau soleil de Provence qui rend les choses si belles et si pures, elle lui planta deux baisers sonores sur ses joues. Le peuple qui aime les belles choses, les gestes francs, les jolies filles et les gars courageux, le peuple qui aime surtout les amoureux sincères et bien assortis, le peuple cria « Bravo, Maguelone ! Bravo, Jeannot ! Bravo ! À quand les noces ?» La petite fille qui dansait de joie sur sa charrette jeta du bout de ses jolis doigts un baiser au grand taureau vaincu, mais toujours superbe, planté comme une statue au milieu de l'arène, et elle dit à demi-voix « Bravo, mon beau Sangar, merci !» Mais au milieu du bruit, Maguelone dut l'entendre cependant, car, droite et superbe, dans son orgueil de belle fille amoureuse, se serrant contre Jean et rouge d'orgueil, plus que d'émotion, la poitrine à peine palpitante, elle cria vers elle à tue-tête, fière et pressentant déjà sa future maternité. « Vé, miette, nous l'appellerons Sangar le petit !» Note, vé, interjection, voix. Fin de note. Fin de sur le plan.